Coulem nous fait la présentation des KDC Posse. Très actifs et très complets dans le 78, on les retrouve dans les phases de break, des premières soirées des Yvelines, dans le DJing, gros digger, il nous explique tout ça, et bien sûr, il y a aussi le graffiti. Voilà, donc JP, ok, t'es de Montigny ? Je suis de Montigny aussi. Montigny, ok. Bah moi, je suis Freshty, Tony, et je suis de Montigny aussi. D'accord, ok. Au sein du groupe, qu'est-ce que vous faisiez, vos spécialités ? Dansier, vous étiez breaker, vous étiez graffeur, tagger, beatboxer, rappeur, enfin Josan, quoi. Ma spécialité, c'était plus le break, mais j'ai fait quand même des graffitis avec Grégoire. Okay. Vers deux ou trois. Ok. Dont celui qui était assez connu, celui de Lagarde. Un masterpiece qui devait faire 6 mètres de long, quoi. Ouais. Avec où il y avait des membres de les. Tous les membres de l'équipe. Et en dessous, il y avait marqué, je sais plus, King in a Micro, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, lui, il avait fait les persos et moi, j'avais fait les lettrages. D'accord. Ok. D'accord, mais ça, c'est intéressant parce que ce graphe-là, justement, sur la recherche, qui est un peu natif, c'est le coup. Ouais. Parce que il y a les soldats et un sur la ligne de donc à Versailles, mais à la ligne de Dreux, celle qui va sur Dreux, là, qui était la nôtre, hein, celle de Bigger. Et sur un transfo, il y avait un Sam 2. Sam, qui était de chez vous, là. Ah, c'est Jean. Jean. Sam 2, pareil, qui a laissé, machin, etc. Et pour retrouver ces photos-là, je... Ah oui, surtout qu'il vient de lui repeindre par-dessus. Ouais, ouais, non, mais attends, il y a toujours quelqu'un qui a pris une photo. Toujours. Tu te rends compte que des fois... des trucs, moi je vois des mecs, t'as des chourures, hein. Des mecs qui faisaient des rails à pied, ils prenaient des photos rien que pour archiver, tu vois. Et celui de Saint-Quentin, de la gare, celui-là, putain, mais nous, quand on voyait ça, on disait, mais c'est qui ces mecs-là, quoi. Tu vois, c'est qui ces mecs-là. En plus, avec les noms, les mecs, tout ça, on dit, putain, c'est fort. Non, mais c'est fort. Hein, le truc sur ce graphe-là, c'est que on était venu 3 jours avant, le peindre tout en blanc, le mur. Ouais. Et après, on a attendu que ça sèche. Et on est revenu 3 jours après. Bon, on n'est pas venu le lendemain, parce qu'on s'est dit, bon, sinon les flics, ils savent qu'on va. Ils savent qu'on va venir, tu vois. Du coup, on est venu 3 jours après. On est arrivé la nuit, on était au moins, je sais pas, moi, 10. On s'est mis d'abord dans un train qui stationnait juste en face du mur pour guetter s'il n'y avait pas une demi-heure. Puis après, au milieu d'une demi-heure, on est sorti. On a mis le poste, on était des fous. Hein. Avec la musique, carrément. Hein. On mettait la musique et on graffait. Dans les wagons, il y avait des filles qui restaient dedans et qui étaient... Mais le truc, c'est que quand on avait fini le graff, la brigade anti-graffiti sont arrivées, ils nous ont coursé. Ah oui. Donc on a eu le temps de finir le graff, après on a couru comme des malades. Mais on s'est pas fait choper. Non. C'est non. Donc toi, graff et puis... Enfin, dedans, c'est graff. Et toi, tu faisais... Moi, je dansais un peu et plus pas vraiment b-boy, c'était plus le funk là. Funk ou jazz rock, ouais. Puis c'était plus la cinquième dimension, quoi. Mais par contre, au niveau du son, c'était plutôt de la soul au début, et après ça a très très vite convergé vers le hip-hop. Vers le hip-hop, ouais. Après, j'ai fait beaucoup de... Ouais. Après, j'avais beaucoup plus DJ, mais j'ai plutôt sélecteur, on va dire. D'accord, ok. Mmh. En fait, nous deux on achetait beaucoup de... Ok. D'accord. Souvent, on y allait tous les 2 semaines, il nous fallait toujours des nouveautés. D'accord. Et vous alliez où? Tous les trucs d'avant, c'est-à-dire LTD. Ok, d'accord, ouais, donc sur Paris. Sound Records. Ok, donc sur Paris. Ouais, sur Paris. Non, mais ça, je veux dire, est-ce que c'est sur Paris ou est-ce que c'est, tu vois. Et ici, une fois qu'il y avait Zéline, elle parlait. Non, tu trouvais 2-3 trucs de temps en temps. Moi, j'allais des fois, souvent. Ah oui, à Versailles. À Paris 2. C'est à Paris 2, là. Oui, à la T'avais Nuggets. Je sais pas si tu vois Nuggets. Nuggets, c'est Dieu, ça. Un jeu bleu et jaune, là. C'était écrit bleu et jaune. Nuggets, ils vendaient des disques, quoi. Ah oui, Même à Saint-Quentin, il y avait Madison Records, mais bon, Moi, j'avais aussi. Alors, moi, j'ai été au lycée à Rambouillet. Et à Rambouillet, il y avait un petit magasin de merde. Et c'est là où j'ai acheté mes premiers Bismarcky, Eric Birak. Le truc, il y a Rambouillet, trouvé ça, c'était un truc de ouf. Ouais. Donc c'était sur Paris. Ok, d'accord. Donc jazz rock. Ça, c'était quand même truc. Rock, quoi. Ouais, c'était truc. Hein. Parce qu'en fait, moi, j'étais plutôt dans ce style-là avant de les connaître, en fait. Ok. Voilà. Mais après, c'est au cours du... Donc, en fait, quand on est... Ouais, je m'en rappelle. Quand je t'ai connu, t'avais beaucoup de funk et tout d'un coup, tu t'as acheté que du hip-hop. Après, j'achetais que du hip-hop. Alors que moi, j'achetais du hip-hop, mais je recherchais les originaux, les morceaux. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, je me suis tourné vers la suite. Il me reste, après, j'ai acheté des beats, des breaks. Ultimate, break and beat. Ouais. Les 25, 26. À l'époque, t'étais bien d'avoir ça. On s'en servait pour briquer. Après. Bien sûr, tu faisais truc. Bah, moi, je les ai tous en double. Mais là, moi, ça, c'était à Sound Record. À Sound Record, bah ouais. Et le mec, moi, comme je dis, tous les disques que je lui ai achetés, il y a un mur de chez Sound Record, c'est à moi, ça m'appartient. J'ai déjà pris des thunes. Moi aussi, avec là-dedans. Parce que au pire, c'était 90 fois. C'était cher d'appeler ça le truc. C'était cher, mais il avait tout. Mais c'est que t'avais pas cher. Après, il y a eu LTD. LTD, c'était autre chose. C'était Crazy Bee. On est dedans. Où ça? À LTD. Non, c'est pas facile. C'est sûr qu'on l'a pas eu. Ah, peut-être que tu l'as vu, mais non. Ceux qui vendaient, c'était... après, dans la période de TD, c'était... Il y avait Posca, DJ Posca. D'accord. Il y avait... Goldfinger. Ouais, Frank. Enfin, Frankie Montana, là. Frankie Maestro, là. Oh. Et Frank, là. Ouais, Goldfinger. Le blanc, là. T'avais James, j'aurais essayé. Pardon ? Disait James. James aussi, oui. James, t'avais... Et puis Clovis. Clovis, là, le... Ah, ça, mais lui, il n'était pas DJ, Clovis. Il est, il connaissait le son, mais c'était pas un DJ. Et puis, même, il te donnait des amis. C'est vrai. Parce qu'en fait, l'histoire, tu sais, là, tu te rappelles les FBS ? Ouais. Anthony Jockey, là. Oui. Ils avaient une émission à Guyancourt. Pour ça, la main juice, là. Tous les mercredis soirs. Ah non, ça, je savais pas. Je ne savais pas. Donc, moi, j'étais dedans, là. D'accord. Même c'est des mecs de voisins. Oui, ok. Ils animaient une émission à Guyancourt. Ouais. Tous les mercredis, et puis souvent, moi, j'étais à l'invité. Et c'était une émission funk, hip-hop, pop, R&B, raga, et... Alors donc, FBS, et comment ça s'appelait? Positive Jam and Juice. Positive Jam and Juice, ok. Guyancourt. Guyancourt, ok. Et ça, c'est sur quelle époque? C'est début des années 80? Ouais, début 90, hein, je pense. Ouais, je dirais à partir de 80. Ouais, 90, d'accord. Parce que moi, c'est là que ça a commencé à radicalement changer. Ok. Parce qu'avant, j'étais plutôt un consommateur de son, et puis là, à partir de ce moment-là, comme lui, il bossait dans une boutique qui s'appelait Soul to Soul, Moi, souvent, je donne un petit coup de main. D'accord. Puis là-bas, comme j'aime fournir à Châtelet, donc tu avais Soul to Soul, Sound Record, LTD. Copa, la Soul. Copa Record, les trucs à côté. Moi, c'est là-bas que j'ai chopé les Cool and the Gang, le Summer Madness. C'est original. 25 francs. Original. Les trucs. Maintenant, ça traite 250 euros, quoi. Toi, encore, je suis gentil. C'est gentil, t'as. Summer Madness, je me rappelle, j'en ai pris deux. Bon, ils étaient un petit peu volés, quoi. C'était un petit peu, je sais pas, plastique, tout était trop serré, là, le cellophane, mais c'était ouf, quoi. Moi, c'est comme ça, en fait, hein, l'histoire. Ouais. C'est qu'en plus, cette émission avait plein d'invites. D'accord. D'invitations. Et puis, ce qui arrivait à l'époque, c'est que bon, les scuds, là, comme ils bossaient dans le magasin, on est tous les deux en soirée et on filait les scuds au DJ qui était là-bas. D'accord. Ok. En fait, comment. C'est vrai qu'avoir cette fortress faisait nul, mais après, c'était forcément sur Paris. On va y venir, bref. Donc les KDC, le groupe KDC, donc c'est bien Cool Dynamic Crew. Oui, bon après ça, on disait Cool Dynamic Crew et King Dynamic Crew. Ok, non, ça je savais pas, tu vois. Ok, d'accord, ok. Ça s'écrit quand, ce groupe? Quand est-ce que j'ai dit, on va faire un truc, on s'appelle... En fait, moi je pense que ça s'est créé en 1988, mais ça s'est pas créé, on ne s'est pas dit, tiens, on va former un groupe. Ça s'est fait tout seul. D'accord. C'est que moi, au départ, j'habitais à Montigny avec... il y avait JP, Alix, je sais pas, tu te rappelles, Brad? Alix, le nom, à Renoir. Ouais. Avec... Assez costaud, oui. Quand tu m'as dit, le fois Alix, ça me... Alors après, il faut que je leur mette un visage, mais... Il n'est pas sur Liftoff, là, que tu m'as montré tout à l'heure. Enfin, tu m'avais montré. Ah, il n'est pas, mais il faudrait que je retrouve d'autres Toffs. Ok. Je t'ai montré. Ouais, donc lui, ok. Donc vous trois. Ah, moi, il n'y avait pas de groupe, il y avait juste Alix qui habitait dans la même rue que moi. On a grandi ensemble avec Ferlo. Ferlo, ouais. Dans le quartier, il y avait Fred et Douane. Et en fait, il n'y avait pas de groupe, on était juste des mecs du quartier. Comme ça, tranquillement. Et je sais pas, un jour à la maison du quartier, il y a des jeunes qui m'ont dit, tiens, il y a deux mecs qui te recherchent et tout. Donc moi, je crois que c'était pour une embrouille. Donc du coup, deux fois, ils m'ont dit ça. Et après, j'ai donné rendez-vous et j'ai donné une heure précise. Ils sont venus, en fait, les deux qui me cherchaient, c'était Jean et Grégoire. D'accord. Et en fait, ils me cherchaient pas pour une embrouille, ils cherchaient parce qu'ils voulaient s'entraîner avec moi. D'accord. Ils savaient que je breakais. Ok. Et que, en fait, moi aussi, j'ai fait un peu de graffiti, mais j'ai commencé tout seul. D'accord. J'ai tout fait, j'ai tout commencé tout seul. D'accord. Et eux, ils s'entraînaient à, je crois, à mon repas avec les B3, la Blondelt. Ouais, là, oui. Et ils me disaient qu'en fait, ils aimaient pas trop s'entraîner avec eux parce que c'était à péter et tout, il y avait pas une forcément bonne ambiance. Donc je dis, ouais, je te dis, ouais, vas-y, c'est ça. Du coup, il me dit, bah, on peut bien s'entraîner avec toi, si c'est possible. Donc, après, je te vois, on en est descendu tout de suite dans la salle. D'accord. On a fait des phases ensemble, on a vu que ça concordait bien. Ouais, vous aviez le niveau, vous étiez dans le même niveau, quoi. Ouais, voilà, on était sur la même longueur d'onde, tout ça, et tout passé. Donc, du coup, ils se sont entraînés. Après, ils se sont dit, ouais, bah, c'est bon, si ça te dérange pas, on vient un peu pour s'entraîner. D'accord. Ou voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Et ça, c'était. Vous vous entraînez à la sourderie, non? Ouais, à la sourderie. À la sourderie. Je me suis entraîné dans une grande salle de danse en bas. Et eux, ils viennent d'où? Ils sont de Montigny aussi? Eux, c'était de voisins. De voisins. Ouais, d'accord. Et moi, de Montigny et Bretagne. Ouais, ok. Et moi, je me rappelle, tu te rappelles pas forcément, mais une fois, avec Edgar, on est allé chez toi. J'ai un peu très bien. On était passé te voir. Ouais, on était. T'habitais dans une rue vachement un peu plus passante, là. Enfin, Oui, en face, dans une rue de Médin. Oui, voilà, exactement. Des arcades, peut-être. Oui, c'est. Ouais, voilà, c'est plutôt. Je ne vais pas dire, mais. Si. Je m'en peux, t'as. Comme bon. Non, t'as un bonnet. Je ne sais plus, Adidas. Non, c'est Twitcher. Bonnet. Ah, bon. Ouais, bonnet. Ah, oui. Mais un bonnet à ping-pong. Avec la grosse soeur Adidas, ça. C'est ça, ouais, un truc comme ça. Ouais, ça, je me souviens toujours parce que. Ça fait. Ben, c'est ça. Non, mais. Parce que, s'il y a un truc, faut que je te dise. Nous, quand je dis, c'est sur plaisir, hein, machin. Bon, vous voyez, quel essai. Bon, il y avait des affinités, tu vois, avec Edgar, les clics, ça, vous connaissiez véritablement. Ouais. Puis nous, on connaissait, voilà, parce que tu côtoyais dans les soirées. Ouais. Tu connaissais pas comme ça. Puis à l'époque, c'était quand même assez, tu vois, chacun est dans son coin, quoi. Ouais, c'était un peu. Ouais. Ouais. Et quand on parlait des KDC, donc ouais, il y avait GMG, parce que bon, c'était un peu la figure, voilà. Et puis, il y avait Freshly, tu vois. Et puis, Freshly, c'était, ouais, bah, ouais, le grand Asiat, tu vois, c'était facile à repérer, voilà. C'était un Asiat. Oui, bah, voilà. Donc, il y a moitié aussi. Oui, bah, je sais bien. Non, mais je sais bien. Voilà. Et en fait, le truc, c'était... ouais, le breacher. Ah ouais, et puis c'était ouais, le b-boy, parce que t'avais vraiment le look d'une caricature d'un raf, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu comme si tu dirais, je sais pas moi, Solo, à Paris. Solo, c'est le b-boy, quoi. Enfin, tu vois, il est toujours dans un truc, t'as l'impression. Voilà. B-boy de Tommy Boy. Bah, c'est le b-boy, de toute façon, c'est réellement le b-boy de Tommy Boy, mais si tu veux, il a un porté, si tu veux, une allure. Ouais, tu vas le reconnaître. Tu reconnais. Et toi, t'avais ça. T'avais ce côté-là. Toi, dès qu'on voyait, il y avait l'image sur Wayne Boyby, quoi. Voilà, c'est direct, quoi. Bah, je prenais un graffiti lifestyle avec un b-boy. Et... C'est le même look, quoi. Oui, bah voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est bien ça. donc, Jean et Grégoire, donc, ils sont du même coin. Ça, c'est quelle année, tu m'as dit, 88 à peu près? En fait, on s'est connus en 87, mais je pense que oui, le groupe il s'est formé en 88. D'accord, ok. D'accord. Parce qu'après, quand on s'est connus avec Jean et Grégoire, après, je sais pas, il y a eu plein de monde qui... Oui, oui, bah... Qui a été autour de nous, parce qu'on a commencé à être connus, mais sans le vouloir. Nous, on s'est éclatés, on s'est dit, bah ouais, on va faire ça pour être connus. T'es une machine, monsieur. T'es venu tout seul. Mais après, il y a eu plein de monde qui ont gravité autour de nous, et puis tout d'un coup, on s'est dit, ouais, on va se donner un blaze. D'accord. D'accord, bon. Et même, je pense que je suis le seul du coup à avoir bougé dans les terrains bas de la chapelle quand c'était l'époque. Ouais, il y a des trucs. Oui, ils n'ont pas connu ça. Moi, quand j'ai connu les terrains bas avant de connaître Jean et Grégoire, tout ça. D'accord. Ok, ouais. Donc, j'arrive avec 86, quoi. Quand j'allais là-bas, je voyais les graffitis de mode tout, je sais pas si tu connais. Ouais, moi, je disais ça, bien sûr. Maintenant, c'est des grands artistes, maintenant. Ouais, ouais, ouais, qui est reconnu. Ouais. Moi, je les voyais quand ils avaient 18 ans. Ouais, score, 18 ans. Ouais. Tout le monde était jeune, hein, à l'époque. Parce que moi, quand j'y allais, je devais avoir 15-16 ans. Ouais. Quand tu vois les photos, tu vois des photos d'archives, mais en fin de compte, tu dis, c'est des minots, quoi. C'est des gamins. C'est des gamins. C'est pas. à l'époque, tu voilà, de bah, toute façon, si t'avais 15 ans, tu voyais un mec de 18, tu disais, ouais, putain, le mec est plus vieux que moi. Si t'avais 18, tu voyais un mec de 21, tu disais, ouais, il a plus vieux que moi. Mais au final, quand nous, maintenant, on regarde, c'est des. C'est, ouais, ouais, ouais, comme ils étaient tous des mômes. Enfin, ah, c'est quand tu vois Joey Star qui donne un petit au terrain de la chapelle, tu vois, il est tout mince. Ouais, ouais, ah, là, bon. Mec, ouais, ouais. Maintenant, il est ici. ok. Donc, combien de membres. Alors, quand tu dis, ouais, voilà, il y avait plein de mecs qui tournaient autour, il y a toujours plein de mecs qui tournent autour, mais je veux dire, on va dire le noyau dur, c'est que merde, on est personne. Ouais, non, mais pour une personne, machin de deux. Et Fred aussi, hein. Ouais, je dirais. Fred Doon. Je dirais 18, hein. Ouais. 8-9. Ouais. Mm. T'as des noms? Enfin, ouais. Tu te souviens des noms? Ouais. Les balasses, ouais. Ben, il y avait JP, moi, Jean, Grégoire, Alix, Douane. Ouais. Alix Carlo. Ouais, alors, Alix Ferlo, dans leur blast, c'était quoi? Si vous vous rappelez? Ah non, c'était Chuck. Chuck? Ouais. Chuck, ok. Et Douane, c'était. C'est pas Cindy. C'est Sir Cindy. Cindy. Ouais. C'est Grisabrand? S. De The N-Y. Cindy, S. De... Mais en fait, Douane, il danse pas vraiment. Il... Ouais, je sais, moi, je me souviens. En fait, dans le groupe. C'est le premier tuyau. C'était le déclencheur. Ouais, non, mais le déclencheur. Oui, oui, oui, oui. Non, mais en fait, dans le groupe, t'es un peu comme Public Enemy, Flavor Flav. Ouais, ils ont fait. C'est pas le top. Un joker. Ouais, un joker. Il met en mode. Ouais, mais non, faut qu'il fout la merde, des trucs comme ça. Mais moi, je me souviens. C'est vraiment l'image que j'ai de ça. Enfin, en tout cas, le souvenir, je l'ai. C'est que lui, c'est, quand il y avait un set, c'était le premier à y aller. Enfin, chez vous, c'était. Ouais, oui, mais des fois, même des fois, de n'importe où, c'était le premier. Mm. Et ça me faisait penser à chaque fois à la battle du Roxy là, de ah oui oui où je sais plus lequel c'est le premier qui va et ça faisait ça et il faisait que des passe-passe oui, si je me rappelle bien il n'avait pas de prise oui il faisait passe-passe oui. Il faisait passe-passe tata rapide hein. Donc, c'était petit hein. Hop il remontait hop il remontait c'est ça vient un peu ça bon lui mec quoi fin allez-y non mais c'est bien au moins il part non mais il en fait truc il en fait quand même c'est trop il en fait truc il faut toujours qu'il y ait mais il revenait pas il revenait pas après ok Ferlo lui son blast c'était quoi c'était Def Dean ouais. D-E-F-D-E-A-N. Ouais, voilà. Ok, non, je le dis parce que comme je vais voir, je vais écrire, je pourrais essayer de pas voir le. Je crois même, c'est moi qui lui ai donné les surnoms. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que nous, on t'avait même pas à l'époque. Ouais. Et puis, donc Jean, c'était Sam. Et, ok, d'accord. Bon, ça. Ok, donc 8. Ouais, motivation, innovation, donc ça, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Et Fred, moi. Oui, je t'ai dit Fred. Fred aussi. Ouais, et Fred, et lui, son nom de là, c'était quoi? Pardon, on n'en peut plus. Fred. Et il y avait aussi Yann, je ne sais pas si tu te rappelles, un grand médecin de ma taille. Ouais. Ah, il a une coupe bien carrée à la. Ouais, ouais, c'est top, mais il était ouais. D'ailleurs, lui, on l'appelait Seji parce qu'il ressemble. Oui, il ressemble à Seji. Ouais. Oui, bah oui, ok, je vois qui c'est. Non, mais maintenant que tu me dis Seji, je vois très bien. Oui, oui. Non, parce que je vois la tête de Seji. Et ouais, effectivement. Bah, je ne sais pas s'il avait un bas, mais nous, moi, je l'appelais toujours Seji. Seji. Pas clairement. C'est des années, ouais. Ok, donc vous êtes tous, ouais, tous du coin. Est-ce que, donc, après le fait de vous entraîner, de sortir, de voilà, de bouger, quoi, est-ce que vous bougez sur Paris, en groupe, vraiment le groupe? Ou alors, est-ce que vous restiez plutôt... Non, moi, je pense, nous, on bougeait beaucoup plus à Paris que dans les soirées de banlieue. Ouais. Globo? Ouais, moi, j'ai beaucoup bougé au Globo, ouais. Parce que, comme je te dis, moi, je suis pas trop rap français, j'aime trop le rap ouais, américain, j'aime. Surtout new-yorkais. Mm. C'est pas que je déteste le rap français, hein, mm. Je sais pas, ça, c'est pas un truc qui m'attire au fou. J'ai dû peut-être écouter juste NTM, c'est tout, quoi. Ouais, mais attends, n'oublie pas qu'on a été à l'Élysée Montmartre, hein. L'Élysée Montmartre, on a mis qui à Rêve du Monde, là-bas, hein. Ouais, ouais, pas ouais, ouais, tout est healthy. D'ailleurs, j'allais souvent au Globo parce que c'est là que tu pouvais voir... les vrais stars américaines, ouais, ils venaient tous. Ouais. Moi, j'ai même parlé avec Africa Bambaataa. D'accord. Oui, oui, ils venaient. Ah, bah, de toute façon, ils sont là. Vous les tenez. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. En fait, je parlais avec lui au Globo. Ouais. Il avait fait son truc sur scène, il est descendu dans la foule, il passait par là. Et puis moi, j'étais avec Bakary, je sais pas si tu connais Bakary. Ouais, grand Bakary. Grand Blanc. Ouais, ouais, ouais. Et comme il était grand, je dis, vas-y, Bakary, interprète-le. Et du coup, comme il était grand, il se voyait bien, il a fait Bakary. Et j'ai pu parler avec lui. D'accord. Après, il a vu que je parlais de hip-hop, tout ça, du monde, tout ça, il voyait que je connaissais, après il m'a dit, tiens, je te donne la combien. Excellent. Ouais, et ouais, moi, je rêvais d'être Zulu King. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, à l'époque, c'était ça, hein. C'était... Ouais, c'est les valeurs. C'était ça, hein. Moi, je... C'est pareil, je connaissais un peu Candy, Queen Candy. Ouais. Je trouvais que c'était la nana, tu sais, qui faisait... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de le Zulu Zetter, un fanzine qui se faisait TZL. De ah ouais, mais genre, j'ai jamais vu ce... Ouais, bah mais ça, c'était failli tomber dessus, hein. Je veux dire, c'était vraiment... Rare. Tu vois, un truc, ouais, rare. Et puis après, tu pouvais t'abonner. Tu vois, c'était ouais. Un, mais c'est un truc fait... tu vois, voilà, je peux... Ouais. Ouais. Un fanzine. Moi, j'en ai, je crois, il y en a eu 35, un 35. C'est à l'époque de Get Busy ou beaucoup? Non, c'est avant. Bien avant. Je crois plus tard. Ah non, c'est 87, 88, 89. Alors, sur 3 ans, on est. Tu connais pas, il y avait le mot bâtard dedans, je m'en rappelle. Oui, interdit aux bâtards, mais ça, c'est Get Busy. C'était Get Busy avant que ça soit Get Busy. Non, mais ça, c'est après. Ça, c'est à la 90, tu vois. C'est la période. C'est autre chose. Mm. Mais le truc The Nation, non, c'était... Parce que cette nana-là, Candy, là... relation... Alors, quelle était votre relation avec les autres groupes du coin? Donc là, j'ai noté voilà, quelques noms. Vu que ça se côtoyait, qu'on se côtoyait quand même assez régulièrement, on va dire. Ouais. Voilà, comment ça se passait? Les relations avec les autres du coin, disons qu'elles étaient plutôt cordiales, sans plus, sauf on avait des affinités avec les BCK, parce qu'on s'entendait bien avec eux. Avec... Mmh. Ça se passait toujours bien quand on se voyait, on s'éclatait, on briquait ensemble. Il y a pas mal de groupes de rap ricains là, qui repassent sur Paris là, dans, cette année, il y en a eu pas mal. Quoi. Mais bon, le groupe des années. Avec Afranis, tu vois, les Das Effects, machin, ouais. Compagnie de ça. Putain, il y a eu des purs concerts. Mais pourtant, ouais. C'est dans les petites, ouais. Petites salles. Mais franchement. Et j'ai fait, début de l'année dernière, début 2000, début 18, Grandmaster Flash qui est venu à Paris, là, au 147, là, machin. Putain, la soirée de... Ah, putain. Nous, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à Paris, il est venu chez nous. Ah, mais ouais. Ouais. Elle a passé, là. Ouais. Il y a longtemps, j'habitais à Guyancourt, j'y descendais, j'y allais. Il y avait Grandmaster Flash. Mais il faisait quoi, là? Ben, en fait, il faisait un concert au platine. D'accord. Il venait à la batterie. Il avait fait. Son surf, quoi. D'accord, ouais. Ah, c'est un groupe avant, justement, là. Un groupe local. Ah oui, c'était un groupe de Guyancourt. De Guyancourt, ouais. C'est pas terrible, mais un groupe français. Ouais, ouais. Mais non, mais là, franchement, le truc. Putain, c'est incroyable, ça. Ah ouais, mais t'es. En plus, c'est avec. Derrière lui, là. Un rétroprojecteur, tu vois. Oui, t'as l'impression. Vous avez vu ça aussi. Vous l'avez vu, The Get Down, la série de The Get Down. Oui, bon, voilà, bon, t'étais dans The Get Down. Ah, le mec, t'arrives déjà, il enchaîne, Apache, machin. C'est le scratch, là. Ah, le truc de chez quoi, là. Ah, non, mais c'était bien. Et la salle, là, franchement, moi, j'étais super étonné parce qu'il y avait. C'était blindé. Et il y avait quelques anciens, des vieilles gueules, qui le repéraient un peu, machin. Puis il y avait plein de jeunes, tu vois, entre 20 et 30 ans, tu vois. L'ambiance, elle était là. Hein. Ah, franchement, l'ambiance, elle était là. C'était vraiment, vraiment super fort. Quoi. Est-ce que vous aviez, donc justement, ouais, par rapport à ça, les STK, là, de Mantes, vous aviez des relations avec eux ou pas? Franchement, je savais même pas qu'ils existaient. En fait, on... D'accord. On voyait jamais les mecs de Mantes. D'accord. Ah, très rare. Vraiment, parce que quand on est dans les soirées à plaisir, on sait, il y a un peu, j'ai eu deux fois soirée. Hein. Ouais. Ah bah, moi, je me rappelle d'une fois, je suis... fameuse soirée, vous... Ah oui, à Tori. Ah, Tori, je m'en rappelle, mais il a vu deux fois, mais on ne les connaît pas au moins. Ouais. Et parce que. C'était fun. Ouais. Il y a eu le battle. Et... Oui, c'est tout. Non, mais bon, ouais, je suis non. Et non, mais après, c'est pas. Attention, hein, parce que l'image, quand on dit Montagie, on parle toujours d'une image de espèce de tueur, là, qu'ils ont été. Hein. Il y en a eu. Bah, bon, quoi. Mais les STK, c'est un groupe puissant. Enfin, le mec, le créateur de ce groupe-là, là, un mec qui s'appelle Benny, il était Zoom King aussi. Tu vois, c'est une autre vision toi, du truc. Après, ouais. Mais les STK, c'était très, très gros. Parce que le mouvement, c'est énorme. Il y a vachement de monde, vachement, c'est énorme. Quoi. Et ils avaient tout. Et après, ça a donné Expression Directe. Je pouvais se voir avec la non, non, non, tu vois. Mais ils ont eu des putains de danseurs, tout ça. Quoi. Et. Et voilà. Et ouais, parce que pour revenir à la fameuse soirée de Thoiry, là, moi je me souviens très très bien là, quand ça s'était fait, hein, où ça dansait, donc il y avait le cercle, donc ça dansait normalement, machin, et puis t'avais les gens de Mantes qui étaient là, mais qui étaient pas venus pour ça, tu vois, les mecs ils étaient venus en soirée au Weston, quoi, tu vois, c'est pour faire les beaux, puis voilà, faire les beaux, quoi. Et les mecs en train d'enlever leur pompe, et puis de danser, en plus, genre en pantalon, enfin pas à l'aise, quoi, tu vois, voilà. Donc les mecs ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient, tu voyais bien qu'ils étaient pas le mec qui commence à faire ça, son top roi qui commence à moitié glisser avec sa chaussette, tu vois. Moi j'étais ennuyé. Ouais, non mais honnêtement c'était bon esprit, puis bon c'était pas le truc. Et que après là, à la fin, quand ils arrêtent la musique, parce qu'à peu près ça repartait sur le même truc normal, GMG leur disait ouais, on se voit au Globo. Tu vois, genre le vendredi d'après, parce que ça la soirée, ça devait être un samedi soir, un truc comme ça, enfin, genre le vendredi d'après. Et ils voulaient, et ça, je me souviens très bien. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une très bonne mémoire. Donc, je... très, très bonne mémoire. Ah ouais. En disant, ouais, ça sera les Razorbacks qui seraient jury, quoi, tu vois, juge au Globo, quoi. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, putain, à Thoiry, t'as retrouvé avec un round battle. Entre, voilà, les... Alors nous, les skaters, on était là, mais en fait, non. Le truc était parti entre vous et puis ces mecs-là, toi. Voilà, non, c'est pas une battle à trois, toi. Et puis, voilà. Donc, je sais pas si ça s'est fait après ou pas. Et les mecs, oui, je me souviens très, très bien. Ça s'est pas fait, non. Ça s'est pas fait. Ouais. Parce que moi, je me rappelle très bien. Le mec, c'était un petit rebeu qui était avec un col roulé. Le mec, il était vraiment pas là pour breaker, quoi. Toi, il a un petit coup. Puis en disant, ouais, ok, machin. Puis on fait quoi, le juge, machin. Il dit, ouais, les Razorbacks de Paris, là, tu sais. Qui, bon, après, ça, c'est chaud, ça s'est pas fait, donc, hein, c'était marrant, quoi. Ok. Alors, est-ce que vous pensez les Yvelines, les 78, par rapport au mouvement hip-hop, hein, on va appeler ça comme ça, c'était. Présent, vraiment présent, quoi, qu'il se passait beaucoup de choses, de ce que vous avez vécu de votre point de vue. Sur cette époque, c'est-à-dire l'époque, on va dire, à moins des années 90. Quoi. Ouais, moi, je pense que le hip-hop, il a vraiment explosé dans les Yvelines, autant que Paris, 93. Sauf que c'est sûr qu'on va toujours entendre parler de Paris, parce que c'est la capitale. Et ouais. C'est comme le hip-hop, on entend parler de New York, la côte ouest, et tout ça. Il y a tous les autres. Ouais, non, et après, non, en plus, je pense que il y a plein de danseurs qui étaient connus sur Paris, qui viennent des banlieues. Les gens de des bien sûr, 93. Ouais, mais tout on les a, on a dit qu'ils étaient Paris, quoi. Ouais, tout à fait. Que comme ils étaient connus internationalement, on n'allait pas dire Mantes-la-Jolie, parce que aux États-Unis, ils connaissent pas. Ils connaissent Paris, quand même. Si on dit Paris, tout de suite, ils nous avouent. Mais mon propos, si tu veux, c'est au-delà de ça, c'est que tu as quand même un côté un peu phagocyté, tu vois, sur l'image de ouais, la création du hip-hop, c'est dans le 18e à Paris, tu vois. En gros, c'est ça. Hein. Et puis, Saint-Denis, tu vois, bon, parce que Saint-Denis, il y a eu NTM, il y a eu les NTM en tant que tel, en tant que tagger, tu vois. Les quatre, c'était 93 MC, voilà, qui sont devenus les 93, enfin après que les Fizzy G ont fait les 93 NTM, qui après ont fait Supreme NTM, mais la version rap, c'est rien par rapport à ce qu'ils étaient avant. Et que tout reste là-dedans, parce que bon, après, tu vois, les journalistes, tout ça, ils sont tout le temps, ça reste tout le temps sur les mêmes. Les gens qui en parlent ont toujours parlé du même truc. Moi, honnêtement, je trouve que c'était vachement puissant, enfin, en tout cas, sur les îles, partout où tu allais, il y avait des trucs, quoi. Partout. Bon, bah, le truc, c'est que les journalistes, comme ils connaissent pas, ils vont forcément aller voir les NTM. Et plus simple, ils sont connus. Exactement. Ils ont entendu parler de Dynastie et Théravane, donc ça va toujours tourner sur les mêmes discussions, ouais, même sujet. Tout à fait. Alors, tu connais dans les Yvelines, il y a quand même une empreinte qui a contribué à l'évolution du hip-hop dans l'île de France. Ouais. Qui est assez forte, mais sauf que. On n'était pas médiatisé. Je crois que c'est pour ça qu'on en a. Mais c'est étonnant parce que moi, l'autre fois, j'en parlais avec Frick. Et il me disait, mais tu te souviens de la pub Lee Cooper? Puis après, il m'a renvoyé le lien. Et il y a une pub, Lee Cooper, de 1985. Vieux, hein, attention. C'est pas des Jean-Baptiste Mondino ? Jean-Paul Good. C'est Jean-Paul... Ah oui, oui. C'est Jean-Paul Good. Et où tu voyais un mec, un black en blanc et un blanc en black. Ah oui, oui. Je sais pas si tu vois. Et puis les mecs, ils faisaient du moonwalk, machin. Et puis ils avaient un truc, ils se tapaient. Bon, c'était une pub vraiment à la Good, hein, tu sais, avec des trucs un peu. Ouais, ça ressemblait un peu aux pubs. Exactement, ouais, voilà, exactement. Exactement, c'était ça, sa patte, quoi. Et bah, ces deux mecs-là, c'est Pascal Le Crème, de plaisir. Et puis, cool MC, là, Henri Tavares, de plaisir. C'était, à un moment donné, lui, il a été le meilleur danseur des Yvelines. Tu vois, pour moi, ouais. À un moment donné, c'est ça. Après, breaker, je suis vraiment breaker. Après, voilà, le mec, truc, mais à un moment donné, c'est lui qui adore, quoi. C'est une patte, ça, c'est clair. Et c'est marrant, tu vois, de te dire, tu vois, que les mecs sont venus chercher ces mecs-là, quoi. Moi, t'as essayé, c'est un truc de fou. Moi, je m'en rappelais plus, c'est Crick, tu sais, qui m'a dit, ouais, la pub, Lee Cooper. Puis il m'a envoyé le lien, tu vois, machin. Et j'ai dit, ah, putain, mais ouais, ben, ça, en plus, je la connais, la pub, tu vois. Ouais, bah, ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est marrant de voir un petit peu les gens comme ça, tu vois, qui sont issus d'ici et qui, après, comme Crazy B, tu vois, qui va faire carrière, quoi. Enfin, tu vois, machin. Là, je vous parlais de Wax Taylor, qui a fait carrière, tu vois. Et tous ces mecs-là, c'est les mecs des Inis, là. B3, c'est quand même la... Après, on aime, pas, machin. C'est la première troupe de danse urbaine qu'il y a eu en France. Ouais. C'est les premiers. C'est... Ouais. Il n'y a pas... maintenant, il y en a plein, hein, tu vois, les compagnies, machin, il y en a un tous les temps. Bon, comme quoi, il y a bien un vivier, tu vois, de gens qui ont... c'est pas juste une mode comme ça. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Non, mais attends, arrête. Moi, à l'époque, tu sais, les vivier, c'est... Enfin, Anthony Jockey, bon. Genre radio, mais il y a aussi... Bon, l'Archim de Skun, un peu comme toi. Ouais. Le premier sorteur qui est venu, c'est un Sonic PSS Plus. D'accord. Ça, ah, c'est, plus. Ouais, c'est un mec de trap qui m'a expliqué comment ça s'est à voir. Ok. Tu vois, bah, plutôt pour la première fois qu'on a commencé à tromper ça. Sonic, c'était Gutsy, là, les deux. Alors, c'est lui, il avait ça. Mais Sonic, là, t'as un son là-dedans, là. Oui, ouais. Moi, c'était 250, le mec a commencé. Ouais, 950, le S950, là. Et puis. Et pour la fois, pour voir ce repère, tu dis putain, mais c'est quoi ce ton jaune? Ouais, écoute, tu peux faire ça. Ah ouais. Donc, quand on est normal, on se rattrape. Hein. Et le mec, il me fait des démons pendant chaque fois, moi. Il y avait. Comment il s'appelle? Il s'appelait Sofiane. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, le mec s'appelait Sofiane et c'est lui le premier. On a été à B Street. À B Street? B Street à New York. Ah oui. Ouais. Ça me dégoûte. Oui, j'ai fait New York aussi, mais moi, je peux. Mais là-bas, c'est trop grand. Hein. C'est incroyable. C'est impressionnant. Mais une trop de skate demain. Il y a un sous-sol, il y a la rez-de-chaussée. C'est hyper grand. Mais il m'a oui. Ouais. En fait, ils ont fermé parce qu'ils vendaient des mixtapes, c'est illégal. Ouais, bah oui. En fait, ils en avaient pour des millions de mixtapes. Du coup, il est arrivé, il a pris tout ça, il a fermé la boutique. Mais c'est pas étonnant hein, quand tu vois le business des mixtapes, non en France. Hein. Mais c'est un truc malade. Imagine le fric au black hein, qui tourne. Hein. C'est ça que t'as fait, de toute façon, t'as eu. Qu'est-ce qu'il a ? Les cassettes, les mystères, par exemple. Ouais. Mais c'est bien, ce qui était bien, par contre, c'est qu'on voyait tout le monde. On avait toujours. Tu sais, c'était fou, on pouvait pas se payer des skins. Bah oui. On avait des versions. Ouais. Des versions remixées, machin, c'était comme. Moi, c'était. Moi, alors, dans les mixtapes comme ça, moi, vraiment, celui chouette, c'est Klein. DJ Klein, ah oui, j'ai Klein, ouais, ouais. Oh, oui, putain. Le mec, il a bien touché. C'est. Pour moi, c'était le meilleur. Enfin, tu vois, même s'il y en avait d'autres, voilà, les Crazy Beat, ça, c'est des tueurs, mais qui étaient 7 fois champion de France. 3 fois champion du monde, plein de fois, les trucs. Mais l'autre, il a, je sais pas, il avait un truc. Ouais, c'est comme. Bien touché, quoi. Vas-y, bah, Jeff, il a un truc. Ouais, voilà, voilà. Voilà. Tu prends Jelly Jeff, tu prends tous les autres. Bah, Jelly Jeff, je suis désolé, mais voilà, quand tu vois. Tu... Ça, c'est un killer. Ah, bah ouais, je suis. Tu auras tous les salles qui viennent, tu Piper, et puis tu leur retournes. Tu... Ah, ouais, là. C'est marrant, c'est le radé à Paul. C'est Bon, après, c'est une mix de tout, hein. Mix du Toto. De tout. Ça repasse sur l'emploi. J'ai déjà vu les. Tu vois, les Boiler Room. Boiler Room. Ah ouais. T'as le Boiler Room, t'as offert en cimetière. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est le dessus. Putain, le truc, là, quoi, il envoie, je sais plus ce qu'il envoie, là, le Tech 5 avec le. Spread. Et le mec, et puis t'envoies un gros beat, un machin, et puis après il t'envoie, comme tu dis, un toto, un truc. Impressionnant. Le mec, il a une oreille musicale, c'est un truc de fou. Je pense que même jusqu'à maintenant, je suis hip-hop, mais pour moi, c'est une philosophie en fait. C'est une philosophie, de toute façon. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. T'as, En plus, c'est un mouvement qui m'a permis d'avoir toujours de l'énergie. De toute façon, c'est ça, le hip-hop, c'est l'énergie. Ouais. Et du coup, toute ma vie, j'ai toujours regardé vers l'avant, jamais vers l'arrière. La déprime, je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, ouais, c'est marrant. Et j'ai toujours la pêche. Moi, donc, ils disent, ouais, il est en dépression. Je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est... Non, mais après, tant mieux. Hein. Dès que tu as un problème, tu fais face. Après, c'est ce qui m'a donné de la force, quoi. En fait, c'est ça. Hein. En fait, le hip-hop, ça te rend fort. Quoi. Voilà, t'es généreux avec toi, avec tes proches. Tu trouves moins de questions, tu es meilleur. Puis, ouais, même, c'est clair. Hein. Puis maintenant, on est nos enfants. Moi, j'ai 7 ans, 9 ans. Ouais, j'aime pas hip-hop, papa. Pourquoi Ouais, mais il y a un petit quelque chose, quand même. Hein. Non, mais c'est sûr. T'as une transmission de valeurs, hein, simplement. Hein. C'est, ouais, c'est des valeurs. C'est. Oh, ça, c'est la tête de friction show, hein, comme tout. C'est plus loin avec la musique que le son. Voilà, non, c'est peut-être ça. Voilà, c'est au-delà de ça. Moi, c'est ce que j'explique. Enfin, j'explique pour qu'ils le comprennent, ça trouve. Aux enfants, tu vois, et que. Disent, ouais, c'est marrant, vous avez un motif. Au-delà de la musique, comme je disais tout à l'heure, maintenant, on peut dire, on écoute du rap en tant que rap, mais c'est pas le rap dans les pop, tu vois. C'est une comédie, j'écouterais de la pop, du rock, tu vois, ouais, de ce que tu veux. Et ils se rendent compte du. Alors déjà, ils se rendent compte, ils disent, ouais, pour que tu sois. Tu vois, moi, genre, c'est important, dans un mois, tu vois. T'es prêt. J'ai conclu. Tu vois qu'à 50 ans, tu es encore intéressé par ça, machin, etc. T'es pas dans un truc d'adolescent. Tu vois. T'as dépassé ça. Ouais, ouais. Alors, t'es même deux ou trois fois l'âge d'un adolescent, tu vois. Enfin, plus de deux fois. Mais... voilà, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et tu vois bien, quand tu regardes toutes les à la télé, tu vois, c'est la mode, c'est la culture mainstream maintenant. Mm. Enfin, c'est la culture dominante. Ouais. Dominante. Et là, quand tu te dis, ouais, putain, toi, tu reviens en arrière. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, donc moi, c'est 83, donc j'étais au cinquième, comme ça. Moi, je disais pas que tu écoutais du rock. Ça se comprenait pas, tu vois. C'est, moi, où j'étais j'étais pas à plaisir, j'étais sur Montfort-l'Amaury au collège, là. Et imagine, tu étais détruit au milieu de. C'était des hardos, là. C'est, Ouais, ouais. Tu vois, du ACDC. Ah, mon mari, ça ne dit rien. Jason. Oui, et de. Enfin, j'en sais rien, du Renault, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vois. Voilà, après, il y a eu les New Wave, là. New Wave, enfin. voilà, quoi. Mais t'écoutes quoi? J'ai dit, ouais, j'écoute de la funk. La funk, la funk, c'était la dance de l'époque, quoi. Ouais, de la funk, tu vois, pour de vagues, machin, mais jamais, quoi. Et tu dis que maintenant, putain, c'est. Putain, je ramène hier soir, on a mis ma fille voir un concert, une belle tire, quoi. Tu te dis, waouh, ça passe à ma cape, quoi. C'est vrai, c'est puissant. C'est puissant comme truc. Hein. Et tous les gens, hein, moi, tu vois, j'ai des communautés là sur Facebook, tout ça. Bon, c'est fort, hein, je suis pas le seul. Ouais, tu es un vieux taré, toi. Non. Milliers. Il y en a un. Milliers. Et moi, je suis sur un groupe, tu vois, en Angleterre. Un groupe anglais qui s'appelle Aging B-Boy Unite. Tu vois, donc, c'est les groupes d'anciens B-Boy. Tu vois. Ouais. Et t'as des gens de l'Europe, en fait, qui sont dessus. Tu vois. Et c'est les mêmes. Donc, tu dis même dans les autres pays, tu vois. T'es pas tout seul. Toi. Ouais, ouais. Là où tu pensais être tout seul, nous, la période qu'il y a eu, tu vois, juste après Hip-Hop, là, ouais, l'émission de 84, après, il y a eu plus rien. Ouais, okay. Jusqu'à 80. 6-7, pas. Tu te disais, putain, bah, nous, on est dans notre coin, putain, faire nos trucs. De toute façon, on est tout seul. On est tout seul. Il n'y a pas Internet, t'en sais rien, toi. Ouais, ouais. Donc, quand en temps, tu passes, tu vas dans une gare, tu vois, ah bah non, il y en a, alors c'est qui ce mec? Je vais tomber sur un de ces jours. Ouais. C'est marrant hein, de voir le. Ouais, c'est à cette période que l'éternel de la chapelle s'est fait connaître. Hein. Parce que quand il a cru que le hip-hop était mort, tous les puristes allaient là-bas. Ouais, c'est à fait. Hein. Et ce qui a gardé le mouvement hip-hop en France, c'est le graff et le tag. Hein. Et je pense même au-delà du graff, c'est le tag. Ça, je suis persuadé. Mais c'est sûr que c'est grâce au graff. Ouais. C'est pas la danse, c'est pas le machin. Mais ça, c'était la danse, c'était fini. C'était de mode, c'était. Ouais. Oh, bien, tu sais, puis il y a une balai au grand blanc, et puis il y a des mecs aussi, tu sais. DJ prod, ils ont commencé à faire de la production, C'est pas vieux, l'époque, ça commence à. Je rappelle quelle époque, ouais. Blue Jack, R&B, on commence à produire des sons un peu plus, tu vois, dance floor, et puis ça peut me changer après. Hein. Ouais. C'est pour ça que les, tous les mecs dont tu parles, ils ont fait pas mal de mix, de remix, ils ont fait de la prod house sur un pseudo. Ah, bien sûr, il y en a plein, mais oui, oui. Parce qu'il y a pas mal de prod, ça fait diversifier, hein. Parce qu'on voit, donc ils ont encore su rebondir. C'est simple, hein. David Guetta. Non, Jed. Ah oui, Guetta. Moi, je me souviens de lui en 80. Ouais, il est côté, lui. Ah, c'était DJ David, il s'appelait. DJ David. Et il avait fait un truc en 89 qui s'appelait Performance 89. C'était une espèce de compétition à Paris, là, mmh. Un truc comme ça. Nous, enfin, moi, je devais le faire. J'avais fait la Coupe de France de Paris, là. La Coupe de Paris des DJ, là, en 89, avec Crazy B. Allez, les Montmartre. Mmh. C'est là où il y a eu. Il devait y avoir Cash Money qui devait venir et qui n'est pas venu. Ah oui. Qui n'est pas venu, là. Vous avez un métier, là, de faire des forums, ouais, ça, tu vois. Et puis c'est là où il y a la première scène des NTM Assassins, tu vois. Voilà. Et il y a eu la Coupe de Paris, là, des DJ. Et donc, il fallait envoyer ça à Radio Nova, Dynasty, une cassette, une démo, là. Une démo, là. Et nous, on était, de plaisir, on était quatre à avoir envoyé. Donc, il y a Crazy B, Doc Finn, Dr. Finn, le mec des Rapso, là, qui est mort, bah, il est mort il y a 15 jours, ouais, 3 semaines. Oui. Encore, c'est ouf. Un certain truc d'ouf. Non, dans les Rapso, là, il ne reste plus qu'un. Enfin, il ne reste plus que Crazy B, puis Big Red, quoi, les autres. Et puis moi, et puis Soulja. Et en fait, il y en a trois qui ont été pris sur les quatre. Il y a Soulja qui n'a pas été pris. Enfin, il y a qu'on l'avait fait, ça. Et donc, à cette époque-là, il y avait DJ David. Lui, il n'avait pas fait celle-là, il avait fait Performance 89. Et je me rappelle très, très bien de ce mec-là en train de faire ses trucs, tu vois, un peu à la DJ Le Vert. Et puis maintenant, quand tu vois ce qu'il fait, c'est le plus grand DJ au monde. Hein. Même on n'aime pas, hein, mais en tout cas, c'est un fait, quoi. En fait, ouais. Non, mais c'est bien, hein. C'est bien que ça que les gens ils restent au... pour les enfants, c'est pas mal aussi, hein. Forcément, tu vas retransmettre, oui. Bah, ma fille a fini la danse, il peut, ouais. Moi, ils en ont fait un peu, ils en ont fait pendant 2 ans, après, ils ont arrêté, j'ai fait du cirque. Mais elle, c'est sa vie, je crois. Elle prend trop au sérieux. Ah ouais, elle traîne tous les jours. Et quand il y a des chorégraphes qui viennent des États-Unis et tout, faut que je l'amène, faire des stages. Il voit les trucs, hein. Ah ouais, elle fait des stages avec, hein. Et les stages, ils sont vite sold out, hein. Elle a essayé d'avoir un stage, c'était en ligne, là. On n'a pas pu en avoir. Il y a trop de monde dessus. Là, c'est marrant. Mais tu vois, moi, ce que je dis à mes enfants, c'est. Alors, elles ne se rendent pas compte parce que c'est normal. Mais moi, je comprends pas l'idée de me dire je vais payer pour avoir des cours de hip-hop. Enfin, toi, ça paraît. Fou, nous, on prenait un truc, on était dans un coin, on allait dimanche après-midi, là, sur le parc. L'entrée, le hall d'entrée de P2, de Paris 2, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que alors, c'est fermé, hein. Attends que tu es sur le parking, il n'y a pas un chat, il y a des gens, ils jaillent. Enfin, voilà. Tu es avec le stupo parce que là, ça glissait, quoi, toi. Ouais. Tu vois, les trucs, ou une carte improvisée, là, ouais, dans les. Comment s'appelle? Garage des potes, on prenait les cartons, on s'éclatait, moi, j'ai une boule, là, pour au début, tu passais un alcool. Putain, j'ai une boule, hein, mais je crois que je l'ai encore. Je l'ai encore, ça fait un cartilage, à force de taper. Tant que tu n'as pas le passage, là, où ça glisse, ça fait. Mais surtout qu'à l'époque, c'était ça. C'était, voilà. Et t'avais ceux qui passaient à couple, ceux qui passaient pas. C'était une vie de lieu. Mais ils pouvaient faire les passes-passes qu'ils voulaient. C'était couple ou pas couple. Puis après, il y a Thomas. Puis après, il y a une tourplette, machin. Et compagnie. C'était dans ce crescendo. Là. Mais je leur dis, moi, je comprends pas l'idée de payer pour un drink up. C'est... Ouais, c'est chou, quoi. Puis, ça, t'apprends ça tout seul, quoi. Tu sais, et maintenant, ils ont tout, hein. T'as des tutos. Pour taper du Thomas. Ouais. En plus, bien, le tuto avec les. Mais Thomas, on arrête, tu vois. Tu dis non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Moi, je suivais les. J'ai beaucoup bougé à l'étranger. Je suivais, tu sais, les Battle of the Year. Tu vois, les travaux. Ah ouais. Moi, j'en ai fait 2 ou 3 en Allemagne. Ah, t'as été, oui. Ah ouais. Une fois t'as vu en cours, il y avait une qualification, hein, final fort. Quoi, oui, parce que maintenant, il veut faire un Montpellier, je crois. Ouais, c'est Montpellier, c'est fond. Hein. Ouais. Ouais. Mais bon, ça faisait bizarre. Ouais, ça m'intéresse plus pour laisser des ados. Bon, c'est... Non, puis il n'y avait pas de... C'est fort. Ouais, c'est fort ce qu'ils font. Ouais. Mais c'est du cirque. Enfin, la technique, c'est la technique. Il n'y a pas de groove. Enfin, il y a très peu. Si t'en vois, t'en vois un qui a peu. Mais c'est. Je sais pas, c'est pas. Même tous les groupes. Bah, c'est moi, ça peut être. Tous les zombie boys que t'as maintenant, là. Ça, j'ai le Bosien, Méguin, tout ça, là. C'est, ils sont bons, hein. Ils sont super bons. Junior, hein, le français, là. Avec les... Mais. C'est. Moi, il y en a un, c'est un portugais. Comment il s'appelle Bruce the Almighty. Bruce the Almighty. Lui, putain, il a un style. Il a vraiment un style un peu à l'ancienne, tu vois. C'est vraiment un... Il a la technique de maintenant, mais il rajoute du style à la chaîne. Et tu dis, putain, ouais, ça fait dans son pote. Bah, ça fait juste dans la musique, tout simplement. Ah, voilà. Tu es dans la musique. Ouais, fait de la rapette. Bon, voilà, bah, écoutez, ouais, alors, si, un dernier truc. Est-ce que vous avez alors, des dédicaces à faire? C'est pas une dédicace, mais voilà, des gens que vous vouliez remercier. Cassé ou je ne sais quoi. Voilà, bon, c'est pas la question la plus importante pour moi. Moi, je l'applique juste à l'Universal qui m'a besoin. C'est bien, déjà, ça fait du bon. Bah, c'est quand même grâce à eux qu'on est arrivé. Mm-hmm. Comme moi, je suis arrivé là. J'ai gardé les valeurs et en fait, ça te permet d'évoluer dans la vie. Mm-hmm. Si tu as les valeurs de base comme ça, le départ, c'est déjà bien. Ça t'aide. Parce que moi, mes parents, ils n'étaient pas forcément tout le temps là. Mon père, il m'aura dit, quand j'avais 18 ans, ma mère, elle s'est retrouvée toute seule avec 4 enfants. Elle ne pouvait pas toujours nous tenir. Du coup, grâce à ça, ça te permet de rester dans le droit chemin. Mmh. C'est là où c'est fort. Hein. Quand tu vois qu'un mec dans le bourse, tout seul, en batate, hein, qui bourre, mais il semble avoir des niveaux intellectuels, tu vois, machin. Le mec, il a réussi à trouver une idée, maintenant, t'as dans le monde entier. Mmh. Dans le monde entier, c'est plus que de la politique, c'est plus que, tu vois, toutes les idéologies que t'as pu avoir dans l'histoire, je sais pas moi, tu vois, le capitalisme, le communisme, le machin, mais le mec, avec un truc comme ça, partout, t'as des autres, partout. Parking, une fois, je voyais un reportage en Mongolie, quoi. Cette fête. En Mongolie, à Ulaanbaatar, tu vois des breachers dans l'arbre. Tu vois, c'est un truc. Après, ils ont leur douche à eux, tout ça, ouais, ça. Mais lui, tu vois, ça, c'est... En Suisse, moi, j'allais en Suisse, là, à la Coupole, une salle qui s'appelle la Coupole, à Bienne, où il y avait parrain de soins et un pote, tu vois. Okay. Et on allait là-bas, là, où était ouf. Moi, je suis monté pour une soirée, tu vois. Partez de lui. C'est la première journée de parler de ça, même genre. Ah, mais c'est bien. Moi, une fois, une coupe. Ouais, bah, c'est la coupe. C'est à Bienne, ça s'appelle la ville. Et donc, t'étais en Suisse, là. T'étais en Suisse un peu presque allemande. Et t'avais des mecs qui venaient de partout. Donc, t'avais des mecs de France, tu vois. T'avais des Allemands, t'avais des Polonais. Enfin, je me rappelle les Polonais qui se pointaient. Les mecs, ils avaient des loups, quoi. Ils se tombaient, quoi. Tu sais, les mecs, c'était à l'époque. Des jeux auto, et tu vois. Ils étaient des pauvres. Non, mais c'était les Blancs, hein, mais des pauvres. Ouais. Tu sais, ils avaient des vieux survêtements de. Enfin, de polonais, quoi. Mais les mecs, on danse. Et tu sais, les mecs, ils pensaient, Ouais. Après, ils avaient un style, quoi. Et oui, tu sais, les mecs, chacun son style. Quoi. Après, il y avait des trucs, tu dis, ouais, c'est chelou ce qu'il fait, mais c'est dans la musique, ça le fait, quoi. Après, c'est... T'avais des super bons breakers, mais ils avaient pas forcément un look de b-boy, ils avaient juste tout ça. Ouais. Tout ça. Mais après, tu vois, ils cartonnent, les mecs. Ouais, c'est vrai, bah, y'en a un. Un habile, ouais. Mais, tiens. Ok, bah c'est cool.